fogo pour une si belle. Oh. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, s'en va pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, oh. Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Aïcha, regarde-moi. Aïcha, Aïcha, réponds-moi.